chietar altro microfon. Uè! Yeah! Oh, 84 BPM pron! Ouais, ouais, ouais, hey, yes, yeah, j'ai tenu qui va démonter, t'as montré que la vie, je vais dompter, donc essaye de compter, grâce à l'espace vide, non pas, tu devrais pourquoi j'utilise la tactique de ma critique, gravité, s'applique de sens textuel, t'as compris que j'avais même la gestuelle. Il faut que je baisse le volume, ouais, ouais, ouais. Attends, ma gueule, je vais dans les réglages, dans les réglages, je vais dans les réglages. C'est ça, c'est mieux là. En dessous de quoi? Au-dessus de Chanel, c'est ça? Le microphone t'inquiète, on est à l'entendre même, tu le sais. Et du 84 BPM style. Ouais, aïe. Toi même, tu le sais, c'est le freestyle de taille. Ok. Entre hiver palisante, mais face à ça, je perds pas les temps, je perds pas le temps quand la mélodie m'emporte dans ce travail. Voilà pourquoi je reste l'animal qui maîtrise la base. Donc, un adversaire qui laisse aller, faux frère, au regard qu'au clair, mais je suis joker au tournoi de poker. Ouais, ouais, t'inquiète, à ce microphone sur du 84 BPM. Ouais, aïe. C'est le freestyle de ta toujours opérationnel. Yeah, on est hâte sur un air de guitare. Toi-même, tu sais, on est hâte sur le microphone pour faire des trucs de dingue. Ouais. Wow. Je ne bouffe pas le micro au cas où, ma gueule. Celui qui me dit m'entend pas, toi tu me dis je te casse les oreilles. Sont les mieux ou quoi, ma gueule? Ouais, c'est le freestyle de taille, c'est le freestyle de taille. C'est une qui va démontrer que la vie tu vas dompter. Donc essaye de monter quand c'est pas vide, on va te vivre. Pourquoi je dis mise la tactique de ma critique, gravité, sa vie de sens textuel, t'as compris que j'avais. Hey! Est-ce que c'est bon? Ce putain de micro, est-ce qu'il est bien réglé? Wow, boy! Mmh. Yo, j'entends d'entrer le matin, moi pas train, mais d'être l'entrée de mon passé, mais moi je me battrai. Oh, je me battrai, le 68 dans mon travail pour un abandonnement, pas comme avant, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant, je viens dans mon cœur, je qualifierai de médiocre. La moitié des gens vivent sous l'emprise de mes dents. Donc si j'en parle, c'est que j'ai peur qu'on m'internet, donc je finisse comme tous ces mômes postés sur internet. Quand j'aime la vie, je constate que partout y'a du dégoût. Mon frère, aujourd'hui ça fait du bif, même en volant des plaques d'égout. J'ai plus rien, je crois. Nos cerveaux sont frappés d'hémorragie, voilà pourquoi je te dis des mots. Magique telle que THC, parents et proches, mais avant ça, je suis passé par l'étape d'un cagoulé dans l'homme d'orge. Ramasse les dix loin de très principe, juste un mec qui reste au péal avec des principes. Pour des principes, ouais, aïe. Sur le microphone, on reste opérationnel. Toi-même, tu sais, sur le microphone, c'est tout ce qui me fait bouger la tête. Ouais, ouais, ouais. Oh, oh, oh, oh, yeah, yeah. C'est du 84 BPM Steam 84 BPM Steam. Wow, wow, wow, oui. Oui, c'est juste un style dedans. Yeah. 84 BPM. Oh, l'homme qu'on appelle Pharma Steady. Yeah. Ouais, aïe, ouais, aïe. Yeah. De Mulhouse à Avignon. Yeah. Ok. 1. C'est le retour phénoménal de l'homme qu'on appelle Famas Teddy. Pendant qu'il fait nomme le mal, moi je m'efface et me dis que la route du rap est un chemin semé d'embûches. Mais sans plus, car pour moi cela reste une passion. Comme ces gosses fans de l'Undertaker, la seule différence est dans ce qui moi la douleur m'écœure. Car tout soudé mes prières, ce qui n'y part derrière, une arsénie de plus qui ne sera pas la dernière. Mais depuis j'ai stoppé de squatter les barafis pour y faire le petit acteur. Mon surnom est Kadhafi et sur cette pote je suis le dictateur. Ah, bâtard que je suis, je mélange le rap à la politique. Vu que j'ai pas de pote qui kick et je suis dans ce délire depuis l'époque à Mitterrand. On baisse pas les bras, on baissera le rap et ça jusqu'à ce qu'on laissera une trace de nos vies sombres d'une écriture saine. Je baisserai les bras qu'après avoir fait le tour du monde sur scène. On baisse pas les bras, on baissera le rap et ça jusqu'à ce qu'on laissera une trace de nos vies sombres d'une écriture saine. Je baisserai les bras qu'après avoir fait le tour du monde sur scène. On baisse pas les bras, on baissera le rap et ça jusqu'à ce qu'on laissera une trace de nos vies sombres d'une écriture saine. Je baisserai les bras qu'après avoir fait le tour du monde sur scène. Acte 2, comment définir ces mecs qui restent bêtes? Parle mal à longueur de journée mais qui rêvent qu'on les respecte. 2011, trop de punchline de Kaamelott. T'arrêtes ton vice, on sait que sur MSN tu fais des Kaamelott. Wesh les homo sapiens, ça porte des grosses casquettes, des polos roses. Enfin, j'ai jamais vu qu'un homo sapiens. Vu que c'est le drap et des dailles, j'embrasserai une autre culture. Car pour moi la musique est vitale. Bitch style sur un couplet, poser des rimes explicites. Alors écoute-les, kilos de vinyle viennent couler. Pour qu'au final tu me dises que mon couplet. Mais peu importe si le quartier aime, je la joue carpe diem. Pendant que le tap et je gagne quoi. On m'a dit que le rap s'arrêta, tout ça c'est du fils, yeah. On baisse pas les bras, on baissera le rap et ça jusqu'à ce qu'on laissera une trace de nos vies sombres d'une écriture saine. Je baisserai les bras qu'après avoir fait le tour du monde sur scène. On baisse pas les bras, on baissera le rap et ça jusqu'à ce qu'on laissera une trace de nos vies sombres d'une écriture saine. Je baisserai les bras qu'après avoir fait le tour du monde sur scène. Ouais, aïe, c'est le freestyle de taille. 84 BPM. Famas Teddy est solide à la gratte. Toi-même, tu le sais. Winslayer Reggae Music. Ouais, aïe. N'inquiète pas, c'est le microphone. Garçon obscurci comme le regard d'un cheval de course. Tu découvres le style de BPM et tu déposes le style sur bon beatmaker qui lâchera sa phrase quand c'est div et qui dise tes cœurs. Quand je connais pas tranquille, mais je connais pas tranquille. Ouais, je connais pas tranquille. Ok. Famas Teddy, maintenant tu connais le blast sur une pote 84 BPM. Mes couplets, elles savent, c'est une casse dédiée à toutes ces instruments m'a offert béni. Que j'ai kické ou pas, je pourrais sortir trois ce que je dis. Mais ce que je dis, c'est que le talent réside en lui. Comme ces notes jouées sur un synthé qui récite nos vies. On est à maintenant c'est de l'improvisation. Je me souviens plus de ce que j'ai dit, donc j'ai pas de texte. Ouais, aïe. Le refrain béni. Quand toutes ces prods comme sur ski, comme le regard d'un cheval de course, tu découvres le style de BPM et tu débourses la mission pour beatmaker qui laissera sa trace auditive qui. Quand toutes ces prods sur ski, comme le regard d'un cheval de course, tu découvres le style de BPM et tu débourses la mission pour beatmaker qui laissera sa trace auditive et qui vise les cœurs. Aïe, c'est le refrain de dingue. Yeah, 84 BPM style. Ouais, aïe. suis en train de regarder le clip, mais il est vite fait, ma gueule, t'as travaillé vite fait. Vraiment vite fait, hein. On peut faire mieux, largement mieux. Et enlève le gros plan de ma gueule. Well, well. Ouais, ouais, ouais. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Wow, wow. Et avec solide et Penny, Thomas Teddy. Yeah, t'inquiète, on a un microphone. Ouais, ouais, ouais, ouais, yeah. 84 BPM est solide. C'est juste un freestyle. Ouais, aïe, en reggae. Parce que le style et la vibe font partie de nous. Yeah, yeah. J'me demande parfois à quel parfum j'dois prendre ma vie. Celle qui reste loin d'être acquise. Celle qui est combattée par tant d'ennemis. Que j'observe sous la pluie la capuche relevée. En essayant de s'insérer dans une situation des plus stables. Couché seul, ça m'entraîne péter un câble. Psychologiquement, car la routine m'envahit. Comme dit Jamel, trop de quartier, tu le quartier. Moi, il m'a fait à force d'y stagner, de refuser de tempérer. J'ai décidé de rapper même par intempérie. Tant pis si j'y péris, et que je dois laisser ma vie en exil. Car mes textes restent indélébiles. Y'a rien de bon dans la vie qu'on mène. Mais on rit quand même, même si le parcours est rempli de problèmes. J'amène mon 68 et un triste thème. À quoi que se défoncer de crâne, c'est tout ce qu'on aime. Y'a rien de bon dans la vie qu'on mène. Mais on rit quand même, même si le parcours est rempli de problèmes. J'amène mon 68 et un triste thème. Ouais, aïe, c'est juste une ligne qui va demander de montrer que le beat fait danser, donc essaye de compter. Et j'arrive pas à prendre le ton. Stop, stop, on recommence. La voix, elle a fait du neuf, comme ça on peut enregistrer le morceau entier. On recommence le son parce que j'ai fait n'importe quoi, ouais n'importe quoi. Aïe. Thank you. à la guitare, ça vient d'un homme, ouais. 84 BPM sur le beat, ça vient d'Avignon, oh, oh. Et Pharma Steady, ça vient de Mulhouse, ouais, aïe. Oh oui, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Moi je vis dans un monde que je qualifierais de médiocre, où la moitié des gens vivent sous l'emprise de mes docs. Hey, doc, si j'en parle, c'est que j'ai peur comme internet, ou que je finisse comme tous ces mômes postés sur internet. Quand j'étais mon ami, je constate que partout y'a du dé. Tu l'as commencé trop tard ton beat, connard! Connard! Connard! Sortez là! Yeah, freestyle. Bon, one, un, deux, un, deux. Yeah, whoa, whoa, whoa, whoa. Yeah, à la guitare c'est solide, ça vient de Paname. Au beat c'est 84 BPM, ça vient d'Avignon. Et au micro c'est Pharma Steady, ça vient de Mulhouse. Yeah, je vis dans un monde que je qualifierais de médiocre, où la moitié des gens vivent sous l'emprise de mes docs. Hey doc, si j'en parle c'est que j'ai peur comme internet, ou que je finisse comme tous ces mômes postés sur internet. Quand j'étais mon ami, je constate que partout y'a du dégoût. Mon frère, aujourd'hui ça fait du bif, même en volant des plaques d'égout. J'ai plus rien, je crois. Nos cerveaux sont frappés d'hémorragie. Voilà pourquoi je t'élise des mots magiques tels que THC, parents et proches. Mais avant ça, je suis passé par l'état de la cagoule et de la lampe torche. Pas masté ni loin de trapasse. J'ai juste un mec qui reste au PAN avec des principes. Pas comme ces mecs qui glandent trop. C'est nous ces pillages qui ont de sexe qu'on appelle androgyne gros. Voilà pourquoi je continue à me rouler des sbars en me foutant du code pénal. Yeah, c'est le freestyle wicked, t'inquiète rien en improvisation avec solide, Penny et Teddy. C'est le freestyle de taille parce que le reggae monte dans ta tête et absorbe toute ta cervelle. Je me sers d'elle, oui, la musique, toujours opéra, son aise dans le microphone, toi-même tu sais, ouais, aïe. Freestyle, ok, ça fait, c'est juste drink, mais de mon tête, mon trigger, bitch, vais dompter. Donc essaye de compter, grâce à ce vas-y, donc pas de vitre. Pourquoi j'utilise la tactique de ma critique gravité, ça fait que sans sexe. Tu veux, t'as compris que j'avais même la gestuelle. Mais ça, c'est du freestyle. C'est du freestyle. L'amour est abject, pourtant il faut que je m'en injecte pour me saisir, pour essayer d'y parvenir, à me consolider, à ne plus être seul dans mes idées, pour pouvoir construire ce que j'ai toujours rêvé de faire aimer. C'est un mot qui fait rêver, qui fait battre mon cœur. Je ne suis pas beau parleur, mais acteur de scène qui font de la peine. Autant que j'en sème, mais sème comme cette graine qu'on sème pour faire naître ce que j'ai toujours rêvé d'être. Rendre fier mes parents avec ma femme, être le meilleur des amants, évidemment qu'il reste trop de choses incompréhensibles. Voilà pourquoi je pense que c'est impossible. Ça fait nos sons dans ton crâne. Nos sons, ouais, nos sons dans ton crâne. Ouais, nos sons dans ton crâne. Ça fait nos sons dans ton crâne. Nos sons, ouais, nos sons dans ton crâne. Ouais, nos sons dans ton crâne. Acte 2, comment définir ces mecs qui respectent? Pas mal à longueur de journée, mais qui rêvent qu'on les respecte. 2011, trot, punchline de Kaamelott. T'arrêtes ton mission sexe sur MSN, tu fais des Kaamelott. Wesh, les homo sapiens, ça porte des grosses casquettes, des polos roses. Enfin, j'ai jamais vu qu'un homo sapiens. Vu que c'est... Yeah, t'inquiète, un hasard microphone pour faire un freestyle. Pourquoi tu veux me désinquiéter, un même si toi t'es taille. C'est le freestyle de taille de Pana à Avignon jusqu'à Mulhouse. On est al même si c'est Youlouse. Pour what? Pour what? Pour what? Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. Juste un freestyle. Ouais, c'est juste un freestyle. but oh, oh, oh, oh, oh, boy, yeah, yeah, yeah, yeah, oh, oh, oh, oh, oh, yeah, I, okay. Yeah, yeah, yeah. Entrée verbalisante, mais face à ça, j'perds pas les dents, j'perds pas le temps quand la mélodie m'emporte dans si travail. Voilà pourquoi j'ai l'animal qui crise là-bas dans le carverser qui laisse aller pour faire au gâteau. Car mais j'suis joker au tournoi de poker qui maîtrise les mots. Donc, MC, s'il te plaît, remets-toi au niveau parce que tu me casses les burnes, man. J'ai au besoin comme un être sur la base d'un service d'affichage. Fais des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des fouilles, des juste un freestyle. Ça fait nos sons dans ton crâne. Nos sons, oui, nos sons, oui, nos sons. Nos sons dans ton crâne. Ouais, nos sons dans ton crâne. Nos sons dans ton crâne. Nos sons, oui, nos sons, oui, nos sons. Nos sons dans ton crâne. Ouais, nos sons dans ton crâne. Ouais, ouais, ouais. Oh, oh, oui. C'est le freestyle de ta vie qui rentre dans ta tête, t'inquiète, tu le sais. Yeah. Parce qu'il y a tant de choses à dire via la musique. On est hal. On partage le kiff de Panava, Avignon et Mulhouse. Yeah. Ça fait 9, 3, 6, 8 et 84. On est hal sur le microphone. On retourne plein de gens à quatre pattes. Car le but c'est de propager l'amour, la paix. Même si pour cela faut passer par la peine. Yeah. Que des fois y'a des choses que tu ne peux pas exprimer en communiquant avec une personne. Nous on le fait par musique. Par la musique. Oh, oh, oui. Juste sur un BPM, une guitare et une voix. C'est ça qu'on partage. Yeah. Le kiff de la musique, toi-même tu sais. Yeah, l'homme qu'on appelle pharmacétique. Yeah. Thank you. des portes du pénitencier. Ouais, aïe, c'est plutôt derrière les portes de notre cité qu'on en a chié. Des fois, je sais pas quoi dire, donc je balance des impros de taille. Pendant que dans mon quartier, on entend crier les flammes. La vie des fois est nimpe, l'air voit des mecs de feinte. Mais je capte plus ce qui se passe dans leur tête. Je crois qu'ils sont pas nets, je crois qu'ils ont quitté la planète. Aujourd'hui le mot-clé c'est argent, quitte à croiser les agents. Pourtant un sourire, un regard ou un geste vaut plus que tout le reste. Wow, wow, boy, c'est ce qu'il faut partager. Yeah, yeah, yeah, yeah, ce qu'il faut partager. Yeah, le regard de ma maman vaut plus que tous ces billets d'argent. Je veux juste voir les gens sourire, arrêter de les voir fuir à longueur de journée, galérer pour remplir leur frigo. Ouais, ouais, aïe, galérer pour s'acheter des Nike. Mais aujourd'hui t'es estimé pour ce que tu portes sur toi, alors que le plus important c'est ce que t'es en toi. Parce qu'il n'y a plus rien d'important aux yeux des gens. Ouais, ouais, oh, j'capte plus. Moi je veux juste avancer dans la vie en gardant mes putains de valeurs. À ce qui paraît t'es hâte, les gens sont des râleurs. Ils ne veulent qu'une chose, c'est pouvoir avancer, avoir leur maison, ne pas galérer pendant quelques saisons. C'est ça le but, fonder une famille, leur impliquer les mêmes valeurs. Moi je dis stop, ouais je dis stop. Il faut leur donner des livres pour qu'ils connaissent d'où viennent leurs ancêtres. Ouais ouais ouais, aïe, leur ouvrir les yeux sur la réalité, ce qu'ils veulent faire de gober. Parce qu'aujourd'hui la publicité fait croire que tu vis, pourtant faut arrêter. Elle ne t'apporte que des ennuis, elle te fait vivre dans le prêt. Toi-même tu le sais, et pour ça t'es pas prêt. Travaille maison dodo, c'est le seul fils que tu survis, pourtant faut arrêter tout cela, je vous le jure, je vous le jure. Redescendez sur terre, mes frères et sœurs. Ouais, aïe. Yeah. Y'a tellement de choses à dire, j'ai pas par lesquelles commencer. Yeah. J'fais juste un petit délire en chantant. Juste un petit délire en chantant. Oh, oh, oh, oui. C'est comme l'amour. L'amour est abject, pourtant il faut que je m'en injecte pour me saisir, pour essayer d'y parvenir, à me consolider, à ne plus être seul dans mes idées, pour pouvoir construire ce que j'ai toujours rêvé de faire. Aimer, c'est un mot qui fait rêver, qui fait battre mon cœur. Je ne suis pas beau parleur, mais acteur de scène qui font la peine. Autant j'enseigne mes scènes, comme cette graine qu'on sème pour faire naître ce que j'ai toujours rêvé d'être. Remplir mes parents avec ma femme, être le meilleur des amants. Évidemment qu'il reste trop de choses incompréhensibles. Voilà pourquoi je prends ce tempo aussi. Yeah! C'est ça l'avenir. Yeah! Appliquer les bonnes valeurs. Ouais! Sache qu'un sourire, un geste ou un regard vaut plus qu'un billet de 500. C'est ça mon frère. Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Oh, oh, oh. C'est l'amour que l'on partage en musique. Ouais, ouais, juste l'amour que l'on partage en musique. Yeah.